Chapitre 21e. Musqua à la recherche de son ami. Musqua suivit la piste de Langdon pendant un bon demi-mille. Au début de sa poursuite, il courut, puis il marcha, et finit par s'arrêter et s'asseoir sur son derrière comme un chien, les yeux à la pente lointaine. Si Langdon avait été à pied, Musqua ne se fût pas arrêté avant que de se sentir très fatigué. Mais l'ourson n'avait nullement goûté sa prison de cuir, où il avait été effroyablement cahoté et bousculé. Deux fois, le cheval qui le portait s'était secoué, et pour Musqua, ça avait été deux tremblements de terre. Oh, il savait que la cage, de même que Langdon, était partie en avant. C'est pourquoi il s'assit un instant, gémit d'un air soucieux, mais ne marcha pas plus avant. Il était bien sûr que cet ami pour lequel son amour avait grandi avec lui-même ne serait pas longtemps sans revenir. Toujours il revenait, et il n'avait jamais trompé Musqua. En conséquence, l'ourson se mit à chercher les Spring Beauties et les dents de chien, soigneux d'abord de ne pas s'éloigner trop du point de passage de la petite caravane. Toute la journée, il la passa dans les prairies parsemées de fleurs au pied de la montée. C'était un endroit délicieux sous le soleil, où l'on trouvait à chaque pas des racines bulbeuses fort succulentes. Il fouissait, se gavait, et il finit par faire un petit somme dans l'après-midi. Mais quand le soleil s'abaissa sur l'horizon, et que les ombres puissantes des montagnes vinrent obscurcir la plaine, il commença d'avoir peur. Ce n'était encore qu'un très petit bébé d'ourson, et il n'avait jamais passé qu'une seule pleine journée tout seul, celle qui avait suivi la nuit atroce où sa maman était morte. Tyr était venu lui tenir lieu de mère, et puis Langdon avait succédé à Tyr, de sorte que jusque-là, il n'avait jamais ressenti la solitude et l'aviduité de la nuit. Il rampa jusque sous un buisson d'épines à proximité de la piste et il continua d'attendre, d'écouter et de renifler avec inquiétude. Claires et brillantes, les étoiles apparurent, mais cette nuit-là, leur charme n'était plus assez puissant pour l'attirer au dehors. Et ce n'est qu'à l'aurore qu'il sortit, non sans précaution, de son abri d'épines. Le soleil lui rendit courage et confiance et il se mit à errer par la vallée. La senteur des traces des chevaux se fit de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'elle se fût entièrement évanouie. Pendant ce jour, Musqua mangea un peu de gazon et quelques racines de dents de chien. Quand vint le second soir, il se trouva sur la pente où la caravane de Langdon avait pénétré dans la vallée où régnaient Tyr et Isquahou. Fatigué, affamé, il se sentait entièrement perdu. Il dormit dans un arbre creux. Au jour, il repartit, et c'est ainsi qu'il passa beaucoup de jours et de nuits tout seul dans la vallée. Un jour, il vint allonger la mare où, avec Tyr, il avait rencontré le vieil ours. De son nez affamé, il retourna les arêtes et gémit. Il parcourut les bords du grand lac noir et profond. Il vit encore des ombres flotter dans la lueur incertaine de la forêt. Il franchit la digue des castors et il passa deux nuits contre The Log Jam, où il avait vu Tyr pêcher son premier poisson. Désormais, le souvenir de Langdon s'obscurcissait constamment dans sa mémoire, tandis qu'il pensait de plus en plus à Tyr et à sa mère. Il les désirait. Il lui manquait bien plus que jamais ne lui avait manqué la compagnie de l'homme, car très rapidement, Musqua retournait à la sauvagerie. On était au commencement d'août quand il atteignit l'entaille de la vallée et gravit la pente où Tyr avait pour la première fois entendu et ressenti la morsure des fusils des hommes. Pendant ces deux semaines, il avait grandi avec rapidité en dépit de ce qu'il s'était souvent couché l'estomac vide, et les ténèbres ne l'effrayaient plus. À travers le défilé profond où ne pénétrait pas le soleil, il allait, et comme il n'y avait pas de chemin pour sortir de la vallée, il fut bientôt au sommet de la brèche par où Tyr s'en était allé, chaudement poursuivi par Langdon et par Bruce, et l'autre vallée, la sienne, s'étendit sous les regards de Musqua. Naturellement, il ne put la reconnaire. Il n'y vit ni n'y flaira rien qui lui fût familier, mais c'était une si admirable vallée, si pleine de victoires et de soleil, qu'il ne se contenta pas d'y passer comme un fou. Il trouvait là des jardins entiers de Spring Beauties et de dents de chien. Trois jours plus tard, il tua pour la première fois par ses propres moyens. Il tomba tout à coup sur un petit Whistler, qui n'était guère plus gros qu'un écureuil rouge, et avant que la bestiole ait pu s'enfuir, il l'avait saisi. Ce fut un repas mémorable. Une semaine s'écoula avant qu'il ne vînt à passer près du fond de la crique qui se trouvait sous l'escarpement où sa mère était morte. S'il eût voyagé en haut, près de la crête, il eût rencontré les ossements maternels complètement dépouillés par les bêtes sauvages. Au bout d'une deuxième semaine, il retrouva la petite prairie où Tyr avait tué le caribou et le grand ours noir. Alors Musquois comprit qu'il avait retrouvé son chez lui. De deux jours entiers, il ne s'aventura pas à 200 yards de ce lieu de fête et de bataille. Nuit et jour, il attendait Tyr. Il lui fallut tout de même s'éloigner pour trouver sa nourriture. Mais chaque après-midi, quand l'ombre des montagnes commençait à s'allonger, il retournait au bouquet d'arbres où tous deux avaient fait la cache, ensuite dévalisé par ce voleur d'ours noir. Un jour, sa chasse aux racines l'entraîna plus loin qu'à l'ordinaire. Il était bien un demi-mille de son domicile, et il reniflait à un coin de rocher quand une grande ombre le couvrit. Il leva les yeux, et pendant une demi-minute, il resta comme pétrifié, le cœur battant et sautant comme jamais il n'avait sauté battu de toute sa vie. Tyr était à deux pas de lui. Le gris et géant restait aussi immobile que le petit qui le regardait fixement. Alors Musquois poussa un petit gémissement de joie puérile et courut à lui. Tyr abaissa sa grosse tête et pendant une minute encore, ils restèrent immobiles, le nez de Tyr enseveli dans la fourrure au dos de Musquois. Et puis Tyr se remit à gravir la pente comme si jamais l'ourson n'avait été perdu, et Musquois le suivit avec joie. Alors, ce furent de longs jours de voyage et de festins magnifiques. Tyr conduisit Musquois dans plus de 1000 coins des deux vallées et des montagnes qui les enfermaient. Oh, les beaux jours de pêche! Et l'on tua un autre caribou dans la montagne, et Musquois devenait chaque jour de bien plus. Et Musquois devenait chaque jour de plus en plus gros et de plus en plus lourd. Si bien qu'à la mi-septembre, il était déjà de la taille d'un beau chien. Et ce fut le temps des baies. Tyr savait où on les trouve dans les vallées. Ce furent d'abord les framboises sauvages, puis les baies de savonnier, puis les délicieux cassis qui mûrissent dans les fraîches profondeurs des forêts, presque aussi gros que des cerises et presque aussi doux que le sucre de Langdon. Ces cassis, c'était la passion de Musquois. Cela poussait en buissons épais et féconds. On n'était point gêné par les feuilles des arbustes nus qui les portaient, et l'on pouvait en trouver et en déguster 200 en 5 minutes. Le temps coula et les baies disparurent. Ce fut octobre. Les nuits se firent très froides et des jours entiers s'écoulèrent sans qu'on revît le soleil briller dans un ciel sombre et pesant de nuages. Sur les pics, la neige s'amassait en couches toujours plus épaisses, sans plus jamais fondre à l'approche des crêtes. Puis la neige tomba jusque dans les vallées. Ce ne fut d'abord qu'un blanc tapis qui fit frissonner les pieds de Musquois, mais disparut bientôt. Des vents rudes descendirent du nord. Au doux bourdonnement estival de la vallée succédèrent des gémissements et des cris rauques dans la nuit. Des chants tristes sortaient des arbres et Musquois trouva le monde transformé. En ces jours glacés et si sombres, il se demandait pourquoi Tyr restait sur ses pentes balayées par les vents, compte tenu trouvé en bas de bons abris. Mais Tyr aurait pu lui expliquer que l'hiver désormais était proche et que ses pentes exposées restaient le seul terrain où ils pussent trouver leur nourriture. Plus de baies dans les vallées. L'herbe et les racines n'y contenaient plus guère de suc nourricier. C'eût été tant perdu que d'y chercher des fourmis et des larves. Et au lieu de venir batifoler à la surface des lacs, les poissons se tenaient en eau profonde. C'était la saison où les caribous ont autant de flair que des renards et où ils filent comme le vent. Les seuls repas sur quoi on put faire fond, vrais dîners de famille, se composaient de quelques misérables rongeurs que Tyr devait gagner à la peine de ses griffes, en fouissant, travail où Musquois l'aidait dans la faible mesure de ses forces. Il leur arriva plus d'une fois de retourner des mètres cubes de terre avant que de parvenir au chaud abri hivernal d'une famille d'infortunés dormeurs. Ils creusaient pendant des heures pour s'emparer, en tout et pour tout, de 3 ou 4 rongeurs gros comme des écureuils, mais en revanche, délicieusement gras. Ils vécurent ainsi les premiers jours d'octobre et les premiers de novembre. Alors, la neige, les vents glacés et les furieuses tempêtes du nord se donnèrent pleine carrière. Mars et lacs commencèrent à se recouvrir d'une couche glacée. Mais Tyr s'obstinait à rester à flanc de montagne. Musquois grelottait dans les nuits froides et il se demandait douloureusement si le soleil n'était pas disparu pour jamais. Un jour, vers la mi-novembre, Tyr s'arrêta soudain alors qu'il était en train de fouiller en quête d'un déjeuner et il partit vers le sud avec un air tout affairé. Il se trouvait alors à environ 10 000 du défilé. Mais le grizzly menait un train si vif et si soutenu qu'ils y parvinrent avant la nuit, dans le même après-midi. Pendant les 2 jours qui suivirent, Tyr ne parut plus avoir aucun but dans la vie. Il n'y avait rien à manger dans ce défilé. Il errait parmi les rochers, flairant, écoutant et se conduisant, en somme, d'une façon fort incompréhensible pour Musquois. L'après-midi du second jour, Tyr fit halte dans un bouquet de pins où le sol était jonché d'aiguilles tombées, qu'il se mit à manger. Musquois trouvait cette nourriture assez mauvaise, mais quelque chose disait à l'ourson qu'il lui fallait agir à l'exemple de Tyr. Alors il attrapait avec sa langue ces mauvaises aiguilles et les avalait sagement, sans se douter que la nature prépare ainsi les ours au long sommeil de l'hiver. À 4 heures, ils parvinrent à l'entrée de la caverne où Tyr était né. Là encore, le grizzly s'arrêta, flairant le vent en haut puis en bas, attendant on ne savait quoi. Le jour s'assombrissait. Une tempête hurlante s'abattait sur le défilé. Des vents mordants tombaient du haut des pics. Le ciel était noir et tout plein de neige. Pendant 1 minute, le grizzly resta là, à moitié engagé dans l'entrée de la caverne, puis il y pénétra, suivi de Musquois. Ils s'enfoncèrent sous terre, plus bas, toujours plus bas, à travers des ténèbres de pois, tandis que l'air se réchauffait sans cesse et que la plainte du vent mourait au loin. Bientôt elle ne fut plus qu'un murmure. Il fallut bien 1/2 heure à Tyr avant que de s'être placé bien convenablement pour dormir. Alors, Musquois se coucha en rond à ses côtés, tout pénétré de bonne chaleur, avec un grand sentiment de confortable. Ce fut une nuit de furieuse tempête et la neige tomba en abondance. Elle venait sur le défilé en nuages qui entraînaient encore d'autres nuages plus épais, et le monde se trouva comme enterré. Au matin, il n'y avait plus de rocs, plus d'entrées de cavernes, plus de buissons, plus de noir ni de rouge sur les arbres. Tout était blanc, immobile et silencieux, plus un murmure dans la vallée. Loin, au fond de la caverne, Musquois s'agitait sans répit. Tyr fit un grand soupir, et tous deux s'endormirent d'un long et profond sommeil. Peut-être bien qu'ils rêvèrent. Ainsi s'achève le Grizzly par James Oliver Curwood.